Chapitre 7e. Un matin, Cadeline rentrait tard chez lui, dans cet état de demi-somnolence du joueur qui a passé la nuit, le corps brisé de fatigue, le sang fiévré, l'esprit abattu, honteux de lui-même, furieux contre les autres, rejouant dans sa tête troublée les coups importants qu'il venait de perdre et qui avait augmenté sa dette d'une dizaine de mille francs. On lui dit qu'une jeune dame l'attendait dans le salon de l'hôtel. Il n'était guère en disposition de donner des audiences et d'écouter des solliciteurs. Il fallait qu'avant la séance de la chambre, où devait venir en discussion un projet de loi dont il était rapporteur, il se rafraîchit et dans un peu de repos se retrouva. « Vous direz à ces dames que je ne peux pas recevoir, » répondit-il, et il continua son chemin pour monter à son appartement. Mais dans son mouvement de mauvaise humeur, il n'avait pas parlé assez bas. La porte du salon s'ouvrit vivement. Il se trouva en face d'une jeune femme de tournure élégante qui lui barra le passage. « Monsieur Adeline ?»« C'est moi, madame, mais je ne puis pas vous recevoir en ce moment. Je suis très pressé. Écrivez-moi. »« Je vous en prie, monsieur. Écoutez-moi, je vous en supplie. » L'accent était si ému, si tremblant. Le regard était si troublé, si désolé, qu'Adeline se laissa attendrir. À la précédente, il l'introduisit dans le petit salon banal des appartements meublés qui se trouvait avant sa chambre. En entrant dans cette pièce froide, qui n'était plus habitée que quelques instants, le matin, un frisson le secoua de la tête aux pieds. Alors, frottant une allumette, il la mit sous le bois préparé dans la cheminée, puis, attirant un fauteuil, il s'assit en face de sa visiteuse qui attendait dans une attitude embarrassée et confuse. « Madame, je vous écoute. » Comme elle ne commençait pas, il voulut lui venir en aide. Elle était fort jolie et la tristesse, l'angoisse de sa physionomie ne pouvaient pas ne pas inspirer la sympathie. « Madame ? » demanda-t-il. « Madame Paul Combaz. » « La femme du peintre ? » ?»« Oui, monsieur. » Cela fut dit avec plus de tristesse que de fierté. La sympathie un peu vague d'Adeline devint de l'intérêt. Il oublia ses fatigues et ses émotions de la nuit pour regarder cette jeune femme qui se tenait devant lui dans une attitude désolée. Non seulement il connaissait le nom de Paul Combaz, comme celui d'un peintre de talent, très apprécié dans le monde parisien, mais encore il connaissait l'homme lui-même, un des plus fidèles habitués du Grand-Y depuis quelque temps. « Pardonnez-moi mon embarras, » dit-elle enfin. « C'est une situation si douloureuse que celle d'une femme qui vient se plaindre de son mari, qu'elle aime, que je ne sais comment m'expliquer, bien que depuis plus d'un mois, j'ai préparé 100 fois par jour ce que je dois vous dire. » Adeline fit un signe pour la rassurer. « Vous connaissez mon mari ? » demanda-t-elle en le regardant avec crainte. « J'ai autant de sympathie pour l'homme que d'estime pour l'artiste. » Elle laissa échapper un soupir de soulagement et ses yeux navrés s'éclairèrent d'une flamme de tendresse et de fierté. « Soyez certain qu'il les mérite. C'est le cœur le plus loyal, le caractère le plus droit. Et ce n'est pas à vous que j'ai à dire qu'il est un grand artiste. Ses succès sont là pour l'affirmer. Je serais la plus heureuse et la plus fière des femmes s'il ne jouait pas. Et c'est parce qu'il joue, à votre cercle, que je viens vous demander de nous sauver, mes enfants et moi. Mais je n'ai pas le pouvoir d'empêcher les gens de jouer. » S'écria-t-il blessé de cet appel à son intervention, qui semblait le rendre responsable des pertes au jeu de Paul Combaz. Vous vous méprenez étrangement sur l'autorité d'un président de cercle. Elle le regarda, le visage bouleversé, les lèvres tremblantes. Oh, monsieur, je vous en prie, ne me repoussez pas. Si ce n'est pas pour moi que vous m'écoutez, et je le comprends, puisque vous ne me connaissez pas, que ce soit pour mes enfants, pour mes 3 petites filles, qui dans un mois, peut-être dans 8 jours, seront jetées dans la rue, mourant de faim, de froid, si vous n'intervenez pas. Vous avez une fille que vous aimez, c'est au père que je m'adresse. Vous me connaissez, vous connaissez ma fille. Non, monsieur, je ne connais pas mademoiselle Adeline, mais je sais que vous avez une fille, et c'est en pensant à elle que l'espérance s'est présentée à moi que vous nous viendrez en aide. Désespéré par les pertes au jeu de mon mari, j'ai cherché, comme une affolée que je suis, à qui je pourrais demander protection. Et l'idée m'est venue, l'inspiration, que si je n'avais pas pu empêcher mon mari d'aller au cercle où il s'est ruiné, le président de ce cercle pourrait lui en fermer les portes. Mais ce président était-il homme à m'entendre, ou bien me repousserait-il parce qu'il profita lui-même de la ruine des joueurs. Comme il y en a, m'a-t-on dit. Par mon mari que j'avais interrogé, je savais quel homme politique vous êtes, la situation que vous occupez, l'estime dont vous êtes entouré, c'était beaucoup. Pourtant, ce n'était pas assez. De l'homme politique, y avait-il un homme de cœur capable de se laisser attendrir par le désespoir d'une mère? J'ai une amie de couvent mariée à Rouen. Je lui écris pour qu'elle tâche d'apprendre quel homme était M. Constant Adeline. Sa réponse, vous la connaissez sans que je vous la dise. C'est alors, quand j'ai su quel père vous êtes pour votre fille, que la foi en vous m'est venue, et que j'ai eu le courage d'entreprendre cette démarche. Peu à peu, il s'était laissé gagner. Cette voix vibrante, ces beaux yeux qui plusieurs fois s'étaient noyés de larmes, cet élan, et en même temps, cette discrétion dans les paroles, surtout cette évocation de Berthe lui troublait le cœur. Que puis-je faire pour vous? Ce qui me sera possible, je vous promets de le faire. Je sentais que je ne m'adresserais pas à vous en vain, et de tout cœur, je vous remercie de vos paroles. Quand je vous aurai expliqué notre situation, vous verrez, et beaucoup mieux que je ne le vois moi-même, comment vous pouvez nous sauver et de quelle façon vous pouvez agir sur mon mari. Adeline sonna et au garçon qui ouvrit la porte, il recommanda qu'on ne laissât monter personne. « Il y a 7 ans que je suis mariée, » dit-elle. « J'ai apporté une dot de 100 000 francs à mon mari et 1 an après, à l'amour de mon père, 200 000 francs. » Quand mon mari m'a épousée, il n'avait pas de fortune, mais il avait son talent et son nom, qui lui rapportait 50 ou 60 000 francs. Nous vivions largement dans un petit hôtel de la rue Jouffroy, que mon mari avait fait construire, et que nous avions payé, ainsi que son ameublement, avec ma dot et l'héritage de mon père. Ce n'était point là une prodigalité, car vous savez que le peintre qui n'a pas son hôtel n'a guère de prestige sur le marchand de tableaux, et encore moins sur l'amateur. C'est une nécessité professionnelle, quelque chose comme un outillage. Nous étions très heureux, j'étais très heureuse, aimée de mon mari, l'aimant, vivant de sa vie, près de lui, fière de le voir travailler, fière de le voir se retourner vers moi, pour me demander mon sentiment d'un geste ou d'un coup d'œil. Je ne quittais pas l'atelier, et en 6 années, les seules heures que je n'ai point passées à ses côtés sont celles où je promenais mes filles au parc Monceau. La crise que traverse la peinture nous avait cependant atteints, et des 60 000 francs que gagnait mon mari pendant les premières années de notre mariage, il était tombé à quelques milliers de francs seulement, les marchands n'achetant plus, comme vous le savez. Il avait fallu restreindre nos dépenses. J'avais été la première à le demander, et j'avais pu organiser une nouvelle existence, suffisante au moins pour moi, et qui pouvait très bien se prolonger jusqu'à des temps meilleurs. Les choses allaient ainsi lorsqu'il y a 3 mois, il y aura dimanche 3 mois, pour mon malheur, je ne sais la date que trop bien, me se fasse tout. Adeline laissa échapper un mouvement, le statuaire, celui qui fait partie de votre cercle, vint voir mon mari. Naturellement, on parla du crack. Fastou gronda mon mari, lui dit qu'il était trop loup, que puisque les marchands n'achetaient plus, il fallait vendre aux amateurs, mais que pour les trouver, on devait aller les chercher, que pour les rencontrer dans des conditions favorables, les cercles, terrain neutre, étaient un bon endroit, que pour lui, c'était à son cercle qu'il avait obtenu la commande des 12 ou 15 bustes dont il vivait. Et il termina en proposant mon mari de le faire recevoir membre du Grand I. Je suppliai si bien mon mari qu'il refusa, mais il accompagna M. Fastou quelquefois pour rencontrer ces amateurs qui devaient nous acheter des tableaux. « Et alors ?» demanda Adeline anxieusement, car bien souvent il avait vu Combaz à la table de Baccarat. « Aujourd'hui, notre hôtel est hypothéqué pour 80 000 francs, c'est-à-dire à peu près pour sa valeur actuelle. » Tous les tableaux que mon mari avait dans son atelier ont été emportés, et une partie de l'ameublement, ce qui est une vente sûre et facile, a suivi les tableaux. Mais la caisse du cercle ne prend pas des hypothèques, s'écria Adeline, elle n'achète pas des tableaux. La caisse non, mais le caissier, ou le chef de partie, je ne sais comment vous l'appelez, celui qui prête aux joueurs, Auguste. C'est impossible, interrompit Adeline, qui croyait savoir qu'Auguste n'était qu'un petit employé. « Vous croyez, monsieur, moi je sais. En tout cas, si ce n'est pas à son profit qu'Auguste a prêté les sommes perdues par mon mari, c'est au profit de ceux qui l'emploient. Et pour nous, le résultat est le même, c'est la ruine. Encore quelques meubles, quelques tentures et quelques tapis vendus, et il ne nous restera rien, car l'hôtel ne tardera pas à être vendu lui aussi, puisque nous ne pourrons pas payer les intérêts de la somme pour laquelle il est hypothéqué. Vous voyez notre situation. En 3 mois, tout a été englouti. Mon mari ne travaille plus. Il est le plus malheureux homme du monde. La fièvre le dévore. Il ne dort plus. Il ne mange plus. J'ai peur que le désespoir de nous avoir perdus ne le pousse au suicide. Déjà, il n'ose plus me regarder, et quand il embrasse ses filles, c'est avec des élans qui m'épouvantent. Vous comprenez maintenant comment j'ai eu le courage de m'adresser à vous. Que mon mari ne puisse plus jouer dans votre cercle, il ne trouvera pas à jouer ailleurs, puisqu'il est ruiné, et il me reviendra. Je le consolerai, je le soutiendrai, il se remettra au travail. Quand ce ne serait qu'à des illustrations, vous l'aurez guéri, vous nous aurez sauvés. » Adeline secoua la tête, et se parlant à lui-même plus encore, peut-être qu'à Madame Combaz, il murmura « Guérit-on les joueurs ?» Croyant que c'était à elle que cette exclamation s'adressait, vivement il répondit « Oui, on les guérit, et mon mari en est un exemple vivant. Nous avons fait notre voyage de noces dans les Pyrénées. En arrivant à Luchon, mon mari s'est mis à jouer et à passer toutes ses nuits au casino. Je l'ai accompagné, et comme on ne laisse pas les femmes entrer dans les salles de jeu, je l'ai attendue dans un petit salon, toute seule, me désolant, me désespérant, interrogeant de temps en temps les garçons, pour savoir où en était la partie, et si elle n'allait pas finir. Bien que j'aie été élevé honnêtement, j'en étais arrivé à me faire assez familière avec eux pour qu'ils voulussent bien me répondre. Et non seulement ils me répondaient, mais encore ils voulaient bien dire à mon mari que j'étais là. Il s'est laissé toucher. Le 6e soir, j'ai obtenu de lui qu'il n'irait pas au jeu, et depuis, il n'y est jamais retourné. À Luchon, ni ailleurs, mais à Paris, après 7 ans. Vous voyez que la guérison a duré longtemps et qu'elle est possible. Adeline ne répondit rien de ce qui lui montait aux lèvres. Vous avez eu raison de vous adresser à moi, dit-il. Je vous promets que tout ce que je pourrai pour sauver votre mari, je le ferai. Surtout qu'il ne sache pas ma démarche. Soyez tranquille, c'est en mon nom que je lui parlerai.